numéro 38. C'est trop cher pour moi. 私には高すぎます。 Est-ce que vous avez autre chose? 他に何かありますか? Avez-vous quelque chose de moins cher? 他に安いものはありますか? Je n'ai pas assez d'argent. そんなにお金がありません。 Puis-je payer avec une carte de crédit? クレジットカードで支払ってもいいですか? J'aimerais changer des euros en yens. ユーロを円に変えたいんですが。 Je voudrais acheter ceci. これを買いたいんですが。 Pourrais-je avoir un reçu, s'il vous plaît? レシートをください。